Et pas quand la nuit est venue, que ta mère t'a dit adieu, que sous ta lampe à demi nue, tu t'inclines pour prier Dieu. À cette heure où l'âme inquiète se livre au conseil de la nuit, au moment d'ôter ta cornette et de regarder sous ton lit. Le sommeil sur ta famille autour de toi s'est répandu. Oh Pépita, charmante fille, mon amour, à quoi penses-tu? Qui sait, peut-être à l'héroïne de quelque infortuné roman. À tout ce que l'espoir devine et la réalité dément. Peut-être à ces grandes montagnes qui n'accouchent que de souris, à des amoureux en Espagne, à des bonbons, à des maris. Peut-être aux tendres confidences d'un cœur naïf comme le tien, à ta robe aux airs que tu danses, peut-être à moi, peut-être à rien.